Je sors d'une agglomération et je me dirige vers un rond-point. Passer en feu de route est inutile. En effet, la route est encore éclairée au-delà du panneau de fin d'agglomération. Les feux de position seuls peuvent être utilisés en ville lorsque l'éclairage public permet de voir distinctement à une distance suffisante. Je reste donc en feu de croisement. Réponse A.